En signe de soutien à la réussite au deuxième lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale coréenne façon 14, l'Association d'amitié Inde-Corée de toute l'Inde et l'Association d'amitié Nigeria-Corée ont publié les déclarations.